Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1971, l'atelier de création radiophonique nous proposait de faire un bout de chemin avec Jean de Mélier. Écrivain et peintre, ami de Samuel Beckett et Pierre Klossowski, Jean de Mélier est né en 1940 à Poitiers, comme Jules Berry et Michel Foucault, où il dit avoir survécu jusqu'à la fin de ses études universitaires. Auteur de romans et d'essais, il a aussi signé de nombreux livres d'art, de dessins. En cette année 71, Jean Pagé allait à la rencontre de de Mélier, chez lui et ailleurs dans Paris, alors que paraissait chez Gallimard son premier roman, Le rêve de Job, et un recueil de nouvelles, Jean de la rue. Rencontre en trois temps, articulée autour de trois pièces radiophoniques écrites par Jean de Mélier, Pulsion, Corps sans raison et Écho. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Chemin Jean de Mélier, par René Farabet, Jacqueline Arpet, Jean Paget. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Anne-Marie Léotti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Liliane Houzel. Avec Michel Bouquet, Jean-Claude Rondin. Citation, Giacomo Carissimi, Gustav Mahler. Jalon, ici ou là. Paris 14e, La Chambre, aphorisme, musique, dessin, poème. Pulsion. De Jean de Mélier, avec Alain Cuny, Jean-Pierre Joris. Improvisation Louis Amiel. Réalisation Jean-Pierre Collat. Là ou ailleurs. Le restaurant, peinture, nouvelles, rencontres, écriture. Corps sans raison, texte Jean de Mélier. Musique Charles Ravier. Pour récitante Sylvie Hartel. Voix, ensemble polyphonique de l'ORTF, direction Charles Ravier. Cordes, Alberto Ponce, guitare. Orchestre de chambre de l'ORTF, direction André Girard. Ailleurs ou nulle part. Les galeries de tableaux, Balthus, Amaral, Rossovski, Dans la rue, aphorisme. Écho, de Jean de Mélier, avec Ariane Borg, Alain Cuny. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Chemin, Jean de Mélier. Parce qu'il a, je dirais, une histoire d'escalier. Ça doit être ça. Ça doit être celui qui tourne le dos à la loge de la concierge. 7. Pas ici. Non, c'est plus beau. Chemin de Mélier. La chambre. Une chose qui me ferait bien plaisir, ce serait de vous faire entendre une très belle musique. La musique de qui? Mahler. C'est quoi Mahler? Ah, c'est pas celui-ci. C'est le troisième mouvement de la cinquième symphonie. C'est la musique qui a accompagné le film La mort à Venise, c'est ça? Oui, c'est la musique du générique. Tu sais, quand le bateau arrive au fond de l'horizon, l'horizon rouge et noir. Mais il a fait de Mahler le héros de son film, finalement. Oui. C'était pas ce cas dans le livre, mais... Si, si, enfin, c'était transposé. C'était transposé dans le livre aussi. C'est une musique merveilleuse, hein. Ah, c'est un film admirable, et la musique est très belle aussi. Oui. Je ne trouve pas qu'il a trahi du tout l'œuvre, comme disent certains, c'est parfaitement bizarre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des bruits de rue qui peuvent gêner là maintenant? Il y a des voitures. Oui, ça empêche d'entendre la musique, cette rue. Oui. Vous voulez que j'aille fermer la fenêtre? Oui, c'est mieux. Oui. Nettement moins pire comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette affiche là, mode in Montague, Oh, c'est une très belle affiche trouvée dans la rue. Dans la rue, comme ça, sur le trottoir. Les rues en sont pleines. Oui, c'est très joli. Très joli. On voit une montagne avec des gens qui semblent très heureux. Oui. Et c'est une affiche de mode, c'est quoi? Oui. Il y a un parapluie, il y a une bonne femme avec un parapluie. Un parapluie, un verre de vin, un nuage, une tomate, une cerise, enfin de toutes sortes de choses bizarres. Oui, c'est drôle. Mais avec une très belle lumière. Oui, c'est une belle affiche. Et l'autre est... L'autre, oui, il est d'un caractère nettement différent. C'est plus littéraire, ça. Ah oui, il est en noir et blanc, celle-là. Mais il y a quoi, tous les auteurs de la collection qui sont là? Pratiquement, oui, pratiquement. J'aperçois Mandiard là-haut. Oui, tout le monde, quoi. C'est quoi, c'est une affiche poster, là? C'est la photo d'un panneau que Trassard avait fait, ça. Pourquoi Trassard est... fait de la publicité aussi, ou bien... Non, pas du tout, mais il a eu l'idée de faire un panneau comme ça, puis ensuite de le photographier. Ça avait été mis dans les librairies Gallimard de Raspail, et puis je ne sais où, enfin plusieurs librairies dans Paris. Oui. On peut fumer dans le micro, hein, ça ne parasite pas. Et ce tissu rouge, là, au-dessus d'une glace. Ça, c'est un torchon à bière, bien d'Angleterre, ça. Alors là, je crois que la musique est trop forte, on va plus nous entendre. Hein. On va baisser C'est pas grave, ça, c'est vraiment pas grave. Vous voulez en entendre une autre, peut-être? Ou la suite? On peut rester sur celle-là, qui est tellement belle. Oui. On peut simplement la baisser un peu, comme ça, on nous voit sans entendre mieux. Les Wachers qui ne se sont pas encore tus. Bon. Alors là, il y a des valises au-dessus de cet armoire. Des quoi? Des valises. Oui, des sacs. Enfin, je déteste les valises, mais j'aime bien les sacs. Enfin, c'est mou. Et c'est... Ça contient bien plus de choses. Parce que tu voyages beaucoup? Chaque fois que je peux. Ouais. Enfin, on voyage en permanence, mais... Sauf quand on s'en va. Alors là, c'est une pièce qui est petite. Tu ne vas pas pouvoir dessiner ou peindre. Oh. Dessiner sans doute, peut-être. Oui, parfois, mais... Je suis pas un peintre de toute façon. Ça. Mais dessiner un peu, oui. Mais tu préfères dessiner dans la rue ou dans les bistrots, non? Non, c'est-à-dire que je fais des dessins, des croquis, des scènes de rue, comme ça, avec des petits carnets. Y a pas de problème pour faire ça, et puis c'est très peu de choses. Mais je fais des grands dessins. Je commence par des dessins. Oui. Alors là, ce sont des corps enchevêtrés avec certains corps qui deviennent presque monstrueux ou bien... Ouais, des corps sans raison, tout à fait. Des corps sans raison, c'est ça. C'est assez surréaliste, non? Ça, comme, inspiration, je sais pas. Non. Enfin, pourquoi chercher des références? C'est très envoûtant, en tout cas. Mais oui, c'est venu après le... Corps sans raison, ou bien ça a suivi, c'est très lié à l'écriture, les dessins. Aucun rapport. Le seul, c'est que c'est la même main qui écrit et qui dessine, mais à part ça, vraiment, je ne cherche pas du tout à illustrer ce que j'écris, et réciproquement, c'est impossible, heureusement. On voit un autre. Ça, c'est... Tu veux essayer de le décrire, ça, c'est... Tout le monde va être frustré. Eh bien, ce sont manifestement des gens qui font l'amour. Ah oui, oui, ça. Visiblement. Au milieu de serpents, il y a des serpents un peu partout. Oui, il y a quelques monstres. Enfin, le monde en est plein. Mais pourquoi ce mélange d'érotisme et de monstruosité? Je sais pas, ça a toujours été très bien ensemble, non? Oui, je suis pas d'accord. C'est son point. Et ça, tu l'as fait ici? Non, pas ici, c'est impossible. Non. Pas dans cette chambre. Non. Je fais ça à Poitiers. Alors là, il y a une sorte de matrice où les gens sont... Une quoi? Matrice, non? Où? Matriciale, cette chose-là, non? Non, c'est... Tiens, c'est toi qui vois ça. Non, enfin, dans mon esprit, c'était un personnage qui passait sur un pont. Oui. Et qui baisse la tête parce que c'est toujours effrayant de passer sur un pont. Oui. Alors, là, quelques insectes. Le contour est vaguement scientifique. Enfin, c'est-à-dire que je suis parti de planches très sérieuse sur les insectes, alors donc le contour c'est à peu près ça, mais j'ai meublé l'intérieur avec tous les fantasmes possibles. Et c'est un insecte vu en... Tout à fait en coupe. En coupe et ouais. en gros plan qui envahit de façon anormale l'espace du dessin. Oui. En fait, de façon angoissante. Mais tu veux savoir le nom de celui-ci par exemple? Bien, oui. Ça s'appelle... Golofa Salei. Voilà, c'est le nom. Et ça vit où en Afrique? Non, ça doit être en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Ouais. Alors il y a un pédoncule en haut et puis un levier sous le museau et les deux permettent de coincer les proies ou des choses comme ça. Puis tu vois, à l'intérieur, j'ai mis des gens. On pourrait imaginer à la limite qu'on est enfermé dans des insectes. Hein. Tu sais, une voiture, un autobus, un train, un avion, à peu de choses près, ce sont des animaux. Des animaux. Oui. Un métro aussi, enfin, ça ressemble vraiment à des animaux horribles. Vous n'avez pas trop chaud, non? Non, il fait bon, moi je n'ai, ça oui. va, je n'ai ni chaud ni froid. Je ne sais pas quelle est la pression atmosphérique aujourd'hui. On ne pense jamais à des choses comme ça. fait gris et triste. L'ONM, ou comment ça s'appelle? L'ONM, c'est ça? Oui. On n'indique jamais l'intensité des couleurs, comme ça, le ciel, c'est... Ils ne savent rien, vraiment. Voilà, là, tu les, vois. Là. Les dessins sont gris, justement. Hein, oui. Gris et noir, oui. Oui. C'est vrai que c'est fait en Chine. Alors, entre le noir et blanc, il n'y a guère que ça. Oui. Oui, alors, bon, il y a toutes sortes de gens là-dedans qui font... Mais ils sont plus détendus que les précédents, les gens. Ils ont l'air plus à l'aise. Il y en a un qui crache, enfin, tu trouves que c'est... Il y en a deux qui crachent. Ah oui, ils crachent, mais je les voyais fumant des cigarettes. Alors, le suivant, c'est un criquet pèlerin. C'est vu de profil, le contour... Et à peu près sérieux. Et l'intérieur, c'est une grande foire. Tu aimes celui-ci? Il me semble que je préfère le précédent. Tu préfères le suivant? Je préfère le suivant que j'ai pas encore vu. Ça a été très long, j'ai mis 2 ans quoi, pour faire celui-ci. J'espère que je pourrai exposer ça un jour. Une fois, j'avais montré ça à une bonne femme qui a une galerie stupide... Et elle a failli tomber en syncope, vraiment, parce qu'elle a dit « Ah, oh, comme c'est affreux, oh là là, on ne veut plus voir des choses comme ça. Enfin, » Mais ce qu'elle exposait, elle, c'était très très laid. Ouais. Non, mais il y a des gens qui aiment bien ça, enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas plus laid que le reste du monde. Porté par ton pu incessant, homme de peu de nature, au long des instants traînés, pris au carrefour des germes, par les soupirs des portes meurtries, lancés ici où pèse la vanité des fouets, flottant sur ton monde rêvé, homme de peu de nature, tu es mortel, tu es sot, tu n'es rien. Le vent de l'univers t'emporte, tu rampes dans ta fiente. Un jour, peut-être, tes yeux brûlés jadis reconnaîtront la lumière. Mais souvent, il y a des sortes de larmes comme ça qui est, oui. qui sont oui. tombées des yeux, ou bien. Ça me semble en avoir vu déjà. C'est très juste. Il y a toujours une larme qui tombe des yeux. Oui. C'est le remords de l'insecte. Peut-être. Tu sais, sur les chantiers, on voit des quantités de choses qui sont faites exactement comme ça. Hein. Les chantiers de construction, les grues, oui, les... Oui. Oui. On ouais. est vraiment envahi. On voit un autre. Celui-ci, pourtant, est très compliqué. C'est Keiro Kella Feana. Voilà. Pareil, ça doit venir d'Amérique du Sud, cette chose-là. Bon, ça, c'est Daumier. Le portrait de Daumier? Non, je veux dire un personnage de Daumier. Oui, alors là, tu vois, il y a autant de têtes que de corps, que de pieds. Alors, on retrouve le côté fresque, alors, non? Oui. Fresques et frasques. Alors, il y a un oiseau perdu au milieu de cet insecte, et puis autour des profils... Et les oiseaux, tu aimes les oiseaux? Alors, c'est merveilleux, ouais. Tous les animaux sont merveilleux, même les êtres humains. Ah oui, mais tiens, à propos... Sauf les insectes. Tu connais ça, là? Regarde, c'est... Tu sais ce que c'est, non? Tu vois, c'est un... Un poussin? Une sorte de jouet, oui, un jouet... plus ou moins international, alors... ça comporte... un pivot... Sur le pivot, il y a un œuf, et quand on appuie sur cette manette, comme ça, l'œuf s'ouvre et on voit un oiseau à l'intérieur de l'œuf. Ouais, c'est un poussin. Hein. Puis ça tourne et ça se referme, et l'oiseau reste renfermé dans l'œuf. Ça vient de Hong Kong, comme presque tout. Il faut dire que c'est très triste que les gens ne le voient pas, mais ça, faut s'y résigner. On passe à un autre. Alors ceux qui suivent sont sensiblement plus petits. Et ce ne sont plus des insectes. Non, non. Ce sont des formes tourmentées. C'est impossible de ne faire, de et, faire ça et, seulement. Et cosmiques. Hein? Cosmiques? Oui. perdu dans le cosmos. Qu'est-ce que tu vois de cosmique, là? Le ciel, le globe, le... Oui. Oui, dans ce cas, il y a quelque chose. Non, c'est un amas, encore, entre terre et ciel. D'entrailles. Oui. Ce sont des entrailles, non? Oui, oui. Et d'entrailles en gestation. Oui. Chemin de Mélier. Pulsion. Alain Cuny. Jean-Pierre Joris. Improvisation, Louis Amiel. Réalisation, Jean-Pierre Collin. Sens-tu ma main ici? Oui. Je te guide. Allonge-toi comme moi. Je te suis. Y es-tu? Certes. Mystère. Mystère. Terre mystique. Tic. Affreux, qui replie le vent de notre folie sur l'écorce rapide. Ne bouge pas tant, tu fais du bruit. As-tu regardé par là? Non, pas encore. Approchons. Méfie-toi, le sol se hâte, la voûte s'abaisse. J'ai une bonne prise. Courage. Avançons. J'ai failli me cogner le crâne contre le haut. J'ai vu. Usurpateur. N'ouvre pas tant la bouche. Où sommes-nous maintenant? Quelques instants nous ont rattrapés encore. C'est le noir. Ici, sans doute. J'aimerais faire le monde. C'est déjà fait. Attention. Tes lunettes. Dans la nuit, les lunettes ne servent à rien. Tu es invisible maintenant. Ça sert à quoi dans la nuit du cosmos mort? Quoi? Ne me touche pas comme ça. Ce n'est pas moi. Il fait plus chaud ici. On étouffe. On respire lentement. Rampant. Attention. Qu'y a-t-il? Un trou. Où? Juste devant. Devant? Oui. Ici. Approche. Approche-toi. On dirait un gouffre. C'est affreux. Ne verrait-on pas une lumière plus obscure que la nuit, tout au fond? Penchons-nous davantage. Oh, je veux bien, mais... Si on lâchait quelque chose... Et nous n'avons rien. Crachons. Que reste-t-il de la salive? De quoi refaire l'univers? Et l'horreur de ta situation ne t'inquiète même pas. À quoi bon? Essayez à ton tour. Je peux. Attention, tu m'aveugles. Tu exagères toujours. C'est dans ma nature. Ça ne donne rien. C'est étrange. Il n'y a pas de raison pour que tu réussisses là où j'échoue. Que d'égoïsme pour un seul être. Qu'allons-nous faire? reculer, descendre puis remonter, ou contourner ce satané gouffre. Si on jouait à pile ou face, on ne verrait pas. Et de toute façon, on n'a pas de petite monnaie. Je pourrais peut-être essayer de sauter de l'autre côté. Attention. On n'a pas idée de la distance. C'est à prendre ou à laisser. Que d'entêtement. Le trou est peut-être creux, sans être profond. Est-ce là tout ce qui te reste de tes humanités? À peu près. Je sens le bord. Ça semble courbe. Tourne ma main. Je te suis. Cramponne-toi à mon pied. Là. Voilà. En avant. Nous avons dû avancer. On peut toujours dire ça. Voilà peut-être notre point de départ. C'est toujours le même point. Quel ogre. Pousse-toi. Non. Pousse-toi. Si tu y tiens. J'ai froid. Tu l'as bien voulu? Ne me quitte pas. Je sens ton odeur. C'est comment? C'est comme un parfum de pissenlit fané. Ordure. Ce n'est pas en me couvrant ainsi d'injures que tu me ramèneras à la raison. Reste où tu es. Et que faire d'autre? Je te sens aussi. Ça n'a rien de flatteur pour moi. Oh. As-tu entendu? Non, et non, et non, et non. As-tu le hoquet? Mais non. C'est ton esprit, alors. De quoi parles-tu ? De notre enfer. C'est l'enfer blanc. J'aime ton jeu de maudit. Maudit toi-même. Oh ! Où vas-tu ? Oh ! Tu as vu ? Comment pourrais-je le savoir avec la distance qui nous sépare maintenant ? La distance qui nous sépare nous rapproche. Ça ne change rien. Reviens. Veux-tu ? Reviens. Dans l'absence. Ma. Brise. Ma. L'épouvante de notre instant. Je suis assis dans une grande fleur. Je sens ses pétales caresser ma chair. Tu mens comme tu respires. Exactement. Et ce gouffre, je le méprise. Rien ne peut être pire que maintenant. Mais alors, ce gouffre, il n'existe plus. Telle est ma volonté. Quelle forte tête. Bonjour, image cancéreuse. Tu m'as presque fait peur. Tu vois bien. Que se passe-t-il ? Les constellations s'amusent, sans doute. Qu'en sais-tu ? Mais c'est leur droit le plus strict, de toute façon. Ça se devine vite. Allons. Allons. Pressons-nous. Y arriverons-nous un jour ? La nuit nous ronge. Au pays des borgnes, les aveugles sont rois. N'était-ce pas le contraire ? Oh. Du temps où nous vivions dans la cervelle de nos chers progéniteurs, peut-être. Ça pue. Laisse-moi tenir ta main. Tiens. Merci. Non, non. C'est mieux que rien. C'est facile à dire. Un océan sphérique rythme le mouvement de mes membres. Cercueil. Cercueil. Il me semble que je viens de toucher une pierre. Il n'y en a pas une seule ici. Pas de pierre dans ce champ. Des ondes, peut-être. Des ondes. Et encore. Et bien sûr. C'est la main qui invente les choses qu'elle touche. Tu es intarissable. Je me souviens du temps où j'étais une source. Tu ne sais que crachoter. C'est tout ce qui me reste. C'est mieux que rien. Ne postillonne pas tant, s'il te plaît. Partons vers la gauche. Pourquoi pas? En avant! Me suis-tu? Évidemment. Me suis-tu? C'est évident. Nous rampons ensemble sur la même bande. Quel magnétisme chez cet individu. Quel magnétisme. Pressons. Pressons. On doit y arriver par cercle concentrique. À défaut de sphère. Tout tourne. Contentons-nous de ça. On ne s'en rend pas compte dans le noir. Ou c'est le noir qui tourne. Tout simplement, qui tourne. Il n'y a que les aveugles qui nous voient bien. Quel dommage que je ne vois pas ton visage quand tu es aussi intelligent. C'est fait exprès. Mais tu ne perds pas grand-chose. Comme par hasard. Oh, nous glissons, nous glissons. Quel bonheur. Tiens. Tiens. Les pissenlits ont repoussé. Ordure. Je pars cette fois. Je pars, je te laisse. Adieu. Ça ne fait rien. Tu n'as jamais compté pour moi. Je t'ai trop vu. À force d'être aveugle dans le noir, on finit par imaginer les visages de ceux que l'on entend. Je ne te regrette pas. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Tu as toujours cherché à me détruire. Il y avait de l'agression dans tes paroles. Quand tu me touchais, tu me mordais. J'ai des bleus partout. Des bleus. Façon de parler. Quel dommage. Quel bon débarras. Enfin. Seul, je suis heureux. Des bleus. Des blancs, peut-être. Ou même des rouges. Tout va très bien. Le monde m'appartient. Mon cœur bat pour moi seul. Mon sang se promène. Je le sens passer sous mon front, mon sexe, mes mains, mes cheveux. L'univers le caresse, le polie, l'étreint par l'intérieur. Meurs si tu veux. Moi, je reste ici. Je sens la paix m'envahir. Quel silence! Je m'abreuve. Cette tiédeur-là me satisfait. Tiens. Je rougis. Je crois. C'est de bonheur, sans doute. Aucune rupture. Ma langue sculpte l'heure permise. Dong. Dong. Dong. Je me souviens des horloges. Quelle erreur. Dong. Dong. Dong. Je reviens de loin. Non. Non. Je reviens d'ici. Quelle horreur. Où suis-je maintenant? Suis-je assis? Suis-je debout? Vais-je ramper, courir, sauter, voler? Pourquoi? Le monde me possède. Il est doux de céder à la sollicitation des sphères extérieures. Ce monde-ci n'a jamais été qu'à l'extérieur de lui-même. Tout est plus simple que jamais. Immobile, silencieux, j'entends mon âme rythmer le cosmos. Touché au plus profond de moi-même, bien ainsi. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi te séparer de moi? Pourquoi m'abandonner à moi seul? Je ne me suffis point. Je voudrais te revoir. Où es-tu? Ici. Ou là? Ici et là, bien sûr. Enfin, toi, je te supporterai un peu, petit à petit. L'oiseau que tu as créé, imagine ses plumes, son bec. Oublie ses pattes. perfectionne seul son mouvement, devient un seul mouvement. Il va rôder au bord de la lumière offerte, ajoute au monde la perfection de ses itinéraires, peuple l'espace de trajets immatériels, creuse le ciel, dessine des nuages nouveaux. Allons dans l'eau. La mer est chaude. Un poisson vient d'effleurer mon genou. Douce touche. Des milliards de dimensions éclaboussent le rêve de maintenant. C'est l'instant où pousse la rédemption, comme une fleur nouvelle. Je suis. Laissons-nous couler. Je vole, et le monde vole, mais tout stagne partout. Nageant contre la mer. Non, sortons. Oui. Ce soleil me brûle. Quel plaisir. Cette chaleur seule suffit à justifier la vie. Brûlons. Brûlons. Il réchauffe. Nous montons vers nos frères. D'étincelles en étincelles. Oh, quelle pureté. Dormons. Oui. Ferme les yeux. Le monde courbe mon âme. Je suis en paix avec la vieille semence. La délivrance est au fond de maintenant. J'entends ici respirer mon semblable. Maintenant. Il souffre doucement devant moi. Calme-toi, cher frère de misère. L'océan est un diamant vivant. Là est ta seule richesse, à jamais. Deviens une pierre sertie d'amour. La guérison est proche. L'homme s'ouvre vers le monde. Montons ensemble doucement, plus lentement, plus doucement. Non, ne regarde pas en arrière. Tout est peut-être mort. Écoute, le monde rôde au plus obscur de lui-même. La lumière est derrière la sphère. Mes souvenirs planent. Mes désirs glissent. Mes yeux volent. On ne peut plus rien me prendre. Je suis l'homme le plus riche du monde. Pardon. Je suis assis dans ton esprit. Je file tes instants. Oublie la voix enrouée de l'humanité à garde. Arrêtons-nous par ici. Tout est fixe. Un regard stable enveloppe nos âmes. Calme-toi. Créature de l'ombre. Tout est consommé. Tout est calciné. Pars! Mais avale-moi d'abord. Va-t'en. Non. Reste. Chemin de Mélié. Pulsion. Alain Cuny. Jean-Pierre Joris. Improvisation, Louis Amiel. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Chemin de Mélié. Les dessins, encore. Voilà encore un. Il faudrait peut-être revenir alors sur ces dessins précédemment vus et en parler plus longuement. Celui-ci est un peu différent des autres. Oui, en effet, oui. Oui, tu essaies de décrire ? Je suis quoi ? Je reste quoi ? Tu es quoi ? Non, je suis fasciné par ce dessin en soi. Ah bon ? Ah bon ? Il m'intéresse beaucoup, je sais pas, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je peux pas le décrire en même temps. Ça, c'est un peu la même chose. C'est une sorte de caverne, ça. Je sais pas ce que ça représente ou ce que ça signifie. Une marée... épaisse et en train d'engloutir tout ça. On ne sait pas si ça monte de la terre ou si ça descend du ciel, mais enfin, ils sont en train de disparaître là-dedans. Une petite idée de l'apocalypse ou une pré-apocalypse, tu vois. Enfin, nous n'avons qu'un seul objet, mais c'est l'objet que nous connaissons le moins du monde, et c'est le corps, évidemment. Personne ne connaît le corps, et surtout pas les médecins, les biologistes de tout poil, mais... les voyages qu'on peut faire à l'intérieur de soi et sans toutes ces imbécilités d'hallucinogènes sont mille fois plus variés, inquiétants, riches et inconnus que les voyages qu'on peut faire en allant dans la Lune ou sur Mars ou dans les étoiles les plus proches. Parce que les étoiles et tout le reste et le cosmos, nous l'avons dans le crâne. Faire de la métaphysique concrète. Pratiquer une contre-initiation permanente. Éclaircir, éclairer, illuminer la réalité en montrant d'elle moins qu'elle pour la laisser apparaître rayonnante. La réalité est difficile, délicate, capricieuse car elle est vivante. Alors une chose me frappe aussi, c'est du moins ce que j'y vois, moi, c'est que les têtes ressemblent à des masques. Si bien qu'on peut penser à en sort, il y a des personnages masqués, enfin du moins les corps sont surmontés par des têtes apparemment masquées. Oui, bien sûr, mais il y a un peintre génial qui a fait ça comme on ne le fera jamais plus, enfin on le fera d'une autre façon, c'est Bacon, parce qu'il a montré le visage sans le montrer. Parce qu'un visage, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas voir un visage de face et de profil en même temps. Enfin, les cubistes avaient essayé d'une autre façon, mais je trouve que le procédé de Bacon, puis en plus c'est le fruit d'une passion gigantesque, est encore plus fascinant, parce que le visage est saisi dans sa mobilité et dans sa vie immédiate. Là, c'est une noce qui passe, non ? Mais justement, tu parlais de mysticisme. Alors, quelle est l'expérience du corps que font les mystiques, par exemple ? Alors là, je ne suis pas spécialisé en mysticisme. Il y en a des milliers, l'expérience du corps, enfin, puis... À l'est et à l'ouest, ce ne sont pas les mêmes, enfin. Mais ce qui est certain, c'est qu'il doit y avoir une parfaite adéquation entre ce corps et le contraire du corps. Le contraire du corps, c'est-à-dire l'esprit, l'âme. Je ne sais pas. C'est le précisé, non, non mais, moi, je suis jeune, hein, j'en suis qu'au début. Ce qui est certain, c'est que ça doit être simple et qu'on doit parvenir à quelque chose d'unique, de cohérent et d'harmonieux. Autant de mots qui sont vraiment mis dans les poubelles en ce moment. Parce que, alors, d'un côté on mange, de l'autre on admire des pacotilles numériques. Voilà comment ça marche à peu près. Il faudrait mieux que les gens qui font de l'op art le fassent sur du papier hygiénique, ça serait vraiment encore plus cohérent. Je l'avoue que l'être que j'admire le plus au monde, je dois vraiment être un des millions de ceux qui l'admirent, c'est quelqu'un comme Héraclite, par exemple. Il a démonté tous les systèmes. C'est vraiment le maître spirituel et quelqu'un qui devrait être un modèle pour des quantités de gens et non pas ces abrutis de prêtres des religions, ce que j'appellerais religions hallucinogènes, nouvelle vague, inventées par des porcs dans un but... économico-politique en ce moment. C'est d'Héraclite qu'il faudrait parler, c'est pas de ces monstres-là. Mais c'est en train de changer en ce moment, les gens en ont par-dessus la tête d'être exploités comme des taupes ou comme des rats. Enfin, c'est bien normal. Chemin de Mélier. Actualité. Oui, alors on pourrait peut-être parler un peu de ce que tu as écrit, a publié déjà, c'est-à-dire Les gens de la rue, qui sont un recueil de textes courts, de nouvelles. Alors pour le roman Le rêve de Job, alors là j'aimerais que tu en parles toi-même. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai mis 7 ans pour l'écrire, qu'il fait 400 pages, puis que je ne sais pas moi, qu'il a été refusé par 6 ou 7 éditeurs, qu'il a été repris au moins 10 fois... Je ne sais pas, c'est vraiment tout ce que je vois à en dire. J'obstruais l'horizon arrière dans mon crâne par un permanent hoquet lumineux sans me soucier de connaître son origine. Et je riais de joie dont je ne savais exactement quelle partie de mon corps. Voilà, je ne savais où dans l'espace. Voilà, vraiment. Ah, j'obtempérais aux ordres de mon silence et de mon immobilité. C'est là le premier début de la sagesse. Ah! J'obtenais les faveurs d'eux, quand je n'attendais rien d'eux. C'est là le second début de la sagesse. Ah ! J'obturais tous mes orifices, je quittais toute mémoire, je fuyais toute imagination, je flottais alors, où, sans savoir comment, sans savoir pourquoi, sans avoir besoin de le savoir. Ah ! J'obvenais dans ma particularité, mon essence même, mon essence... Si fluide, si simplement divine, manière d'entêtement éternel, il faut le dire, voilà. Ah, j'obviais ainsi, avec quiétude, à tous les dangers à venir. Mince de Beretta, ainsi que j'avais triomphé de tous les dangers passés. Ah, l'objet Job ronronnait derrière moi, et je le sentais là, attendant de moi une volte-face. Ah, ah, l'obligeance de Job me rassurait, tout en organisant d'une façon mathématique, donc supportable, ma panique. Ah, l'obsolète temporalité et la spatialité obsolète de ma volonté exercée pour le cerner, pour te cerner. Oui, Job suffisait alors à l'appétit de mon être mou et démultiplié. Mais mon personnage de tous les jours pouvait encore de son côté, roté, pissé et bandé, les deux derniers rarement ensemble, autant qu'il le souhaitait. Job, rue de la chaîne. Combien grande est ma peine. Bon, alors il y a dans le titre lui-même une allusion à la Bible, évidemment, à Job. Oui, bien sûr, je me suis servi du livre de Job, du livre biblique de Job que j'ai transposé, enfin, comme j'ai pu, à ma façon. Et le décor de la vie de ce personnage biblique, en tout cas biblique surtout dans la dernière partie, le décor de sa vie, c'est quoi? C'est le... À part le fumier symbolique de Job, de la Bible, j'ai parlé, mettons, de variété de fumier contemporain. L'action se situe essentiellement dans deux villes, il y a Paris et puis Poitiers. Et Poitiers, c'est une ville où tu as passé enfance et adolescence, je crois. On prétend même que j'y suis né. Alors, oui. Une des rares choses que je puisse dire à propos de ce bouquin, parce que je suis à peu près incapable d'en parler, c'est que c'est à lire à deux niveaux. Voilà. Alors, il y en a qui le liront à un niveau et qui se laisseront prendre un certain nombre de pièges, comme les passages érotiques et tout ça. On fait des procès à l'érotisme, comme si l'érotisme n'était pas dans la vie et que tout le monde en avait... un besoin foncier, que c'était une des choses les plus sacrées de l'existence, bon. Mais c'est un livre à lire à deux niveaux, voilà. Si j'ai mis 7 ans pour l'écrire, c'est que j'ai un petit peu pris le temps de le faire, quand même. Soudain, j'en eus assez, je me laissais tomber. J'attendis. Mais j'en eus assez d'attendre et décider de sourire sans tarder. Cette décision en vaut une autre. Mais sourire me fatigua. J'inclinai ma tête sur mon épaule. L'inclinai davantage encore et je sentis les yeux clos comme une brûlure soudaine, que j'en avais assez de tout. Un vent inconnu soufflait autour de moi et mes cheveux balayaient en tous sens mon visage. J'en eus alors assez d'en avoir assez de me le dire, me le répéter dans la tiède porosité de mon crâne. Je grommelai, je ne sais plus quoi, rouvris les yeux, regardai avec une soudaine vague d'intérêt autour de moi, de tous côtés, puis me redressai en riant aux éclats, les yeux pleins de larmes, oscillant frénétiquement sur mes pieds, tout mon corps moucheté d'une mystérieuse et grasse lumière rose, grise et verte. On en parle. Bon, tu veux qu'on parle du rêve de Job. Dans la mesure du possible, c'est un rêve par rapport à Job, au Job de la Bible. Bon, mais pour la structure du livre, parce que vraiment... Enfin, la structure, oui, c'est un mot que je déteste, mais enfin, on parle avec les mots qu'on a appris ou qu'on entend autour de soi, hélas, jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse. Alors, il y a donc 3 parties. Une de 13 chapitres qui s'appelle « Le professeur de rien ». Une de 7 chapitres qui s'appelle « Le policier perverti ». Une de 2 chapitres qui s'appelle « Job se livre ». De toute façon, le dernier mot du livre, c'est Acta est fabula. Et les mots avant ces derniers mots, c'est le seul que je veux vraiment citer, enfin que je veux dire, c'est un rêve qui diminuera toujours, sera sans cesse agressé par des forces de plus en plus voraces qui ne parviendront jamais à l'anéantir. Je pleure, Job, Job, je souffre. Pas plus, pas moins que toi, qui es mon père et mon fils. Ils me croient tous fous, Job. Partout je cherche l'amour, je ne vois que haine et sottise, partout. Je veux chanter, je ne sais rien, je veux comprendre, je veux être heureux. On continue à en parler. D'une certaine façon, c'est un roman policier, puisque le héros, enfin, ou le anti-héros, ou le pro-anti-héros, ou le anti-pro-héros de la deuxième partie est un policier, qui part à la recherche du personnage qui a disparu. Mais c'est un policier assez peu, enfin j'espère assez peu conventionnel, parce que il a des penchants particuliers tout à fait étonnants dans le système policier tel qu'il est pratiqué dans la civilisation occidentale contemporaine. Alors, le professeur de rien ne se souvient même plus de ce qu'il enseignait. Et il lui arrive un certain nombre d'aventures parce qu'il y a la révolution en France. Et quand la révolution est finie, il revient à Paris. Et au moment où il arrive à Paris, il y a un accident en place de la Concorde, un accident de voiture, la voiture se renverse et bon, il se retrouve cul-de-jatte et il disparaît après avoir été cul-de-jatte. Il devient mendiant, bon, sur un trottoir, etc. C'est là qu'intervient le policier. Et alors il part à sa recherche. Et il le retrouve ? Ah, mais ça, je peux pas le dire. Je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Oh, c'est très beau ça, qu'est-ce que c'est? C'est une musique de Giacomo Carissimi. Très joli, non? Un italien du 17e. T'as jamais entendu ça? Non, jamais. Non. Alors, c'est un oratorio, c'est l'histoire de Jonas. Très frais, c'est une merveilleuse musique. Très fraîche surtout, hein, oui, très, oui. Très légère, oui, oui. Très douce. Car il se savait au-delà de l'amour. Je le pressais contre moi, je couvrais sa tête adorable de baisers, je le protégeais de mes bras, je plongeais mes doigts dans sa chevelure ébouriffée. Il dormait debout. Il avait mis ses bras autour de mon cou. Je passe les miens autour de sa taille. Comme pour prier. Prier qui? À travers quoi? À travers ta chair. Elle est proche, elle. Elle me rapproche de qui je te désire, dans le grand vacarme, le grand silence. Gabriel, je. Je m'endormis comme je croisais mes doigts sur ses reins. Quand je m'éveillais, nous nous trouvions aux abords de Poitiers. Poitiers, mon amour. Poitiers. Thank you. moi, il n'y a rien de plus beau que l'adolescence dans la vie. Après, ça se détériore. En fait, il n'y a rien de plus affreux que de voir des gens qui étaient très beaux 17 ou 20 ans, et puis à 25 ans, ils deviennent des vieillards. 25 ans ? Oui, ça arrive. Oui. Tout à fait en bourgeois. C'est l'air, idée. Chemin de Mélier. Ils sortent. Le restaurant. Les grands de tous les temps. Ça m'arrête. Jamais à passer, s'il y a des feux aussi. Non, vous voyez, il y a un restaurant là-bas pas mal, le Nemours, pas trop cher, cuisse de grenouille, bouillabaisse, langouste. Ah, c'est bien ça. On plante ça sur les arbres, tac tac tac tac. Alors ça c'est directement les gens ça. Non seulement le numéro de téléphone est... Le numéro de téléphone est effacé. Mais certainement que le WC, douche et cave sont dans le même endroit. Pas fréquent apparaîtrait. Dans général ce qui se passe. Bon voilà, c'est le campus, non. Et c'est là. Vous voulez passer, monsieur? Oui, on sera très bien là. Vous avez le droit de parler là, patronne. On va mettre le menu là, celui-là. Lequel on prend celui-ci? Voilà. Alors, oui. Alors, vous dites, là, vous récitez. Alors, le menu à 15 francs. Je veux le chanter, est-ce que vous pouvez le chanter? Oh non, moi je ne sais pas chanter. Faites-le, vous êtes la patronne. Alors, la ballotine aux olives, 6 escargots petits gris, pâté de sanglier, jambon de Parme. C'est au choix tout ça, non? Oui, au choix. Plat, tourne d'eau aux champignons, escalope à la crème, noix d'entrecôte à la Bercy, tourne d'eau à la Bercy, tourne d'eau au poivre monsieur, salade de saison ou fromage au choix ou dessert au choix et vin supplément. Voilà, magnifique. Messieurs, dames. Magnifique. C'est joli cette nappe bleue. Hein. Tout ça donne faim quand même. Parler de gens de la rue dans un endroit comme ça. Oui, bah, tu sais, j'ai vu des scènes dans des restaurants comme ça, une petite scène que j'ai essayé de transposer un peu. Quoi. Oui. Oui, parce que c'est ça le livre, c'est des croquis de scènes prises ici et là, et souvent dans des bistrots, hein, je crois. Il y a pas mal de choses des dans restaurants, des cafés, des restaurants. Mais alors comment fais-tu? Tu fais un peu comme un dessin, c'est-à-dire que tu notes quelques petites choses de rapidement ou bien? Oh, je sais pas, je vois une chose, puis après j'ai essayé, du moins. Tu la notes aussitôt ou bien tu l'écris après? Parfois, oui. Voilà. Voilà nos escargots qui arrivent. Ça, la c'est troisième arrive. Magnifique. Voilà. Et c'est toujours la première. La patronne vous donnerait un petit café. De suite, c'est comme si s'il vous plaît. Arrosez si possible. Il y a une mouche. Une mouche ? Une petite mouche sur l'appareil. Ah ouais, il en existe encore. Elle n'est pas morte. Vous allez vous en chercher un peu parce que vous n'aurez pas assez. Hein. Oui, alors ça, c'est très judicieux. Voilà. Bon, ces petits gris sont assez gros. Hein. Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire bien. Que, je compris, les petits gris ont été mis dans des coquilles de Bourgogne. C'est gros, oui, oui. Oh, regarde ce chat, regarde ce chat, regarde. Il lui manque la parole. Il est aussi intelligent que la patronne. Parce que tout ça, c'est à noter dans tes gens de la rue. Oui, c'est vrai, ouais, il y a un petit peu là. Ça, oui, mais pas. Enfin, je vais essayer de relever des conversations comme ça. Il y a des gens qui ont fait ça, qui ont fait des romans à partir de bandes magnétophoniques, je crois, magnétiques. On parle gentiment. Ouais, ça aucun intérêt. Je ne sais plus quel écrivain récemment qui a fait un bouquin sur la rue du Dragon. Ah ouais ? Un Gallimardi. Mais ce que tu fais, toi, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait ça, moi-même. Voilà mes escargots. Voilà. Bien chaud. Oui, bon. Allez, en avant. Voilà. C'est succulent, ces escargots. Hein. On en regarde une. Oui, dans la rue derrière, il y a l'usine Vasarelli, là où on fabrique à la chaîne sa sérigraphie. Ah bon ? Oui. C'est la Côte du Rhône. C'est un quartier où il y a plein de gens. Il y a des gens de cinéma derrière, la rue Daguerre. Il y a un petit marché, c'est très joli. Il y a Agnès Varda et puis son mari, là, Demi, Jacques Demi, ça vient de par là. Puis là, il y a Moki, qui a des passe-poings. Enfin, ça, je m'en fous complètement. Moi. Même si ce sont les gens les plus géniaux de la Terre. Mais il y a aussi Beckett dans ce coin-là. Hein. Oui, donc j'habite tout près de chez lui. C'est pas fini. Ah, c'est pas bon. Fini. Excusez-moi, monsieur. Et tu le vois souvent, Beckett. Mais le plus souvent possible. Je me concentre à parler un peu de littérature. De quoi ? Que tu consentes à parler un peu de littérature. Très difficile. Fin de littérature. Impossible. Parler de littérature en mangeant des champignons après avoir mangé des escargots. Oui, on a l'impression que la vie. Je sais pas ce que ça veut dire la vie, mais enfin, ça se réfugie un peu dans les rues et dans les endroits où on mange et où on boit. Tout le reste, c'est vraiment de la mondanité. Hein, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas pour rabaisser l'être et pour le rendre quelque chose de. Pour faire quelque chose de complètement physiologique et puis qui n'est que quelques besoins comme ça rudimentaires, mais dans une ville comme Paris, à part les cafés et les restaurants. Et les rues, tout le reste, vraiment, c'est l'artifice encore plus artificiel que ça. Il n'y a pas seulement des bistrots et des restaurants, il y a aussi des portraits quand même. Des quoi ? Des petits portraits. Dans quoi ? Dans gens de la rue. Ah oui, oui, oui. Portrait de chat. C'est beau ce chat. Là, tu es très gentil parce que tu veux que je te donne quelque chose. Enfin, Alors bonjour madame la concierge. Comment ça va, la santé? La prochaine fois vous auriez voulu être tranquille. Vous allez nous demander la pizza. Écoutez, non mais ça va, j'ai été plusieurs fois chez ma fille. J'ai pas arrêté hier, j'ai cherché à vous voir. Écoutez-moi bien, ne gardez votre sang-froid, je vous en prie madame. C'est extraordinaire. Et ici la bébière. Ah bon, les rôles. Bon, écoutez-moi bien. Oui monsieur. Je voulais aller boire le café chez vous. Tu sais, c'est dans des restaurants comme ça, on voit des choses fantastiques. Ah. Oui, c'est personnel. Bon, ben, je vais la réveiller. Vous savez, pour une fois que j'avais ma paye sur moi. De toute façon, on a détruit l'idée de Dieu, et ça n'a été remplacé par rien. Et on désintègre l'homme par l'intérieur, et donc il ne reste plus rien de l'homme non plus. Alors on est pris entre deux absences, si tu veux. Ces deux absences ne peuvent pas se féconder réciproquement. Et. C'est vraiment la dérision systématique, mais cette dérision n'est pas vraie. C'est une dérision qu'on a fabriquée pour. Elle est fabriquée aussi, finalement. Oui, mais absolument, absolument, absolument, absolument. C'est une dérision pour. Dans un but politique et économique. Tout ça, c'est un problème de langage. pas plus compliqué que ça. Seulement, si on désacralise le verbe, tout est foutu. Pas fichu, foutu. Alors, on a le sentiment que le problème n'a jamais été plus compliqué qu'en ce moment et jamais aussi simple. Moi, je rêve d'écrire un bouquin à propos de la réalité, tu vois, ça s'appellerait comme ça, ça serait aussi pompeux, ça s'appellerait La réalité. Et dans cette réalité, il y aurait... Je décrirais quelque chose qui est vrai. Parce qu'on cherche à nous plonger dans l'erreur jusqu'au bout, dans les illusions. Il y a des jeux d'abîmes concentriques et soigneusement calculés, tu vois. Pour nous décentrer par rapport à un centre dont on peut parier qu'il existe, même si on n'est pas capable de le définir et de l'exprimer comme il faut. Qu'est-ce que serait la réalité de... Comment l'approcher ? Elle serait ce qu'elle est. Alors là, on est transporté en Sorbonne sur un... Comment appelle-t-on ça ? Un brancard. Sur quoi ? Un brancard. Mais je mangerais bien encore des champignons. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore avoir des champignons ? Si on te posait une question si saugrenue, que qu'est-ce que pour vous le livre ? Qu'est-ce que tu dirais ? Il faut que je réponde à quelle personne d'abord ? Pour être sérieux, vraiment. Mimi, viens là. Nous ? C'est l'émission la plus réaliste qui le soit moi. Enfin, je crois que contrairement aux apparences et contrairement à tout ce qu'on nous raconte en ce moment, le livre a la plus haute fonction. Je sais pas, enfin. Faut être immensément orgueilleux, quoi. On a le droit d'être aussi orgueilleux que Karl Marx. Les Marcuse. Vous pensez alors que le livre va changer la vie ? L'idée qu'on s'en fait. À chaque dent de cette fourchette correspond un champignon. Aphorisme d'Henri Michaud. Alors tu avais soif. Soif ? Tu as soif. Dans l'instant ? Oui. Oui. Allez, bruit, très bien ce bruit-là. Oh, excellent. Dehors, il pleut. N'en sors pas. Alors, je disais que une autre dimension se crée très vite et qui est presque fantastique. Ah bon ? Enfin, il y a quand même une... Enfin, ces petites phrases comme ça, imbriquées les unes dans les autres, avec une ponctuation un peu perturbée, oui. Bon, ça crée déjà un malaise d'une certaine manière. Non ? Oui. On a l'impression d'un trait, d'une sorte de trait comme ça, un peu discontinu, et qui crée en même temps une continuité. Et de cette continuité naît une dimension qui est proprement fantastique. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah oui, mais c'est formidable. On vit dans le fantastique en permanence. Enfin, si on essaie, dans l'instant où on est là, de comprendre, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça va jusqu'au vertige, enfin. Mais ce qui est encore effarant, c'est le décalage qui existe entre la conscience qu'on a du monde et celle qu'on pourrait en avoir. Un sculpteur aussi prodigieux que Giacometti, par exemple, disait que rien n'était plus difficile que d'exprimer la réalité, enfin de la faire, la montrer. Ouais. Justement, lui, son drame, c'était sa rencontre à lui, qui était absolument extraordinaire, bon, par rapport aux choses les plus simples, enfin un objet le plus dérisoire qui se présentait sous ses yeux, ou un être, comme ça. Et il se posait toujours la question de savoir s'il allait ou non réussir à le montrer, à le faire. Enfin. Ouais, ouais, ouais. Alors, mystère, boule de neige ou Monaco? Qu'est-ce que c'est ça, le TRC? Quelle glace merveilleuse! Oh! C'est une glace impressionnante. Grande, grasse. Difficile à prendre. Voilà, je l'ai saisi. C'est quelque chose de phallique ou quoi, non? Oui, oui. Comment c'est Poitiers? Poitiers. Voilà un morceau qui va passer à l'immortalité, à l'éternité, comme la glace que tu viens d'engloutir. Poitiers, c'est. C'est apostrophe est. C'est. Dans mon petit livre, là, le rêve de Job, je dis que c'est une verrue mystique. Verrue mystique. Mais qui est le Job du livre? Ce n'est pas moi. Ça pourrait l'être. Alors les travaux pour la radio, les émissions, enfin les textes dits écho, pulsion, etc. C'est fait un peu en marge ou bien ça correspond aussi à un mouvement général de... Mais c'est la même chose, je suis le même n'importe où, ouais. Hélas. Mais je veux dire que les pièces pour la radio sont complètement différentes des textes écrits et à lire. Enfin, je fais un pari très orgueilleux, mais j'essaie de faire des textes spécifiquement radiophoniques. Et alors cela, de quelle façon? Qu'est-ce qui te paraît être justement un texte radiophonique? Oh, ça m'est très difficile de le définir. C'est dans une dynamique alors de la parole, du langage, du dialogue. Oui, certainement, oui, certainement. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que la radio apparaisse comme un enfant pauvre de la télévision, tu vois. Il faut donc que les mots n'évoquent pas des images qu'on ait envie de voir sur un écran de télévision. Mais je crois que la radio existe en tant que soi, comme instrument de musique. Oui. Comme instrument, tout simplement. Chemin de Mélier. Corps sans raison. Musique, Charles Ravier. Récitante, Sylvie Hartel. Ensemble polyphonique de l'ORTF, direction Charles Ravier. Alberto Ponce, guitare. Orchestre de chambre de l'ORTF, direction André Girard. Midi. Morne place, tant d'aigreurs dans la foule. Qui suis-je? Où me cacher? Beauté, résiste, résiste-moi encore. Tout ce soleil, maintenant, rien, la main ne tient que du vent. Non, grande tendresse. Rien à la verticale. Ils viennent, ils crient, ils courent, au secours, non, rien. Secours, mort. Pas de besoin. Belle, comme un morceau de soleil, elle habitait dans le nid des hirondelles, louait des taxis pour les moineaux et commerçait avec les corbeaux. Qui veut m'embrasser maintenant sur la place? Sur la place. Non! Tant de charniers sur les trottoirs. Je sors de mon petit bureau, clic-clac. Je vais retourner à mon petit bureau, crac. Grand silence. Rien à l'horizontale. Ils partent. Ils pleurent. Ils stagnent. Midi. Morne brûlure. Fixe poumon. La place noire. Tu viendrais un jour avec moi? Non. Assis devant moi, il me sourirait. Je mangerai des fruits dans son sourire. Sourire. Rien. Mes larmes. Déjà. Larmes. Non. Fixe brûlure, morne poumon. Ai-je laissé ma houppette parmi les fusils? Fusils. Rien. Sous le soleil de midi, j'attends qu'il me revienne. Tendre soleil. Place obscure. Tendre midi. Qui? je ferme les yeux, tombe le monde, il viendra dans le noir silencieux, retour à l'ombre, il s'arrête, il nul ne parle, il me caresse lentement au long des golfs. Fermés, je sors dans la nuit. Qui défera mes cheveux? Qui marchera sur ma bouche? Qui couvre ainsi mon corps? Nuages, nuages qui connaissez nos secrets, cachez-nous. Bercez-nous au-dessus du monde. Il s'étendra sur les rivages, plantera ses graines dans le jardin. Qui? L'éternité perforée de tiques attaquera encore nos membres. Beaux animaux mortels, multipliez-vous. Golf incertain. Qui? Il me serre. Écrase-moi encore. Qui? Presse le monde, l'orage gronde. Il m'emporte. Qui passe? Qui s'en va dans la nuit entre nous? Il me quitte, qui non, il revient, reste. Amour, reste encore. Demeure dans ma maison, montons ensemble vers le frais soleil. La nuit tombe, le monde s'efface, montons nous coucher. je glisse. Qui reste avec moi? Voyageons un bref instant. Qui passe là-bas, par-dessus les rosiers mouillés? Qui revient? Qui veut revenir ici? Montons doucement le monde entier. Je m'endors, tout tombe. Au loin, les rosiers qui... Le monde respire doucement. Je veux... rien. Parfum. Mon corps s'enroule autour des spires. Passe. Qui... Mon corps, bateau espion, fixe au cœur des vagues, debout, corps, rien de plus. Corps au matin, lève-toi, sois le soleil. Rien, spire jusqu'à moi. Rien. Ils ont quitté la côte cette nuit. Où partir? Lève-toi, soleil gris. Encore toi, encore pris dans la glu. Non, le silence. J'étire, irradié, élancé mes membres dans les rayons. Des fleurs, je veux des fleurs. La vie, maintenant, vie, rien. La vie m'appelle. Château de lumière, dressez-vous contre mes seins. Chaleur, petit réveil, rien. Mon cœur bat contre les vagues, l'écume dorée frappe doucement les barques ruisselantes. Bateau, partir, rire, matin, mon cœur, rien. Au soleil levant, je fais mes ongles en avant. La chatte s'endort encore sur le balcon. Les voilà, maintenant, qui voguent vers la pleine mer. La lumière s'élève. Rien. La brume se meurt. Partez. Partez encore. Poumons. Cœur. Je brosse mes cheveux. Le soleil monte par-dessus les tilleuls. Brise, frisson. La douce odeur du café au lait. Rien. Ils partent. Corps neuf. Corps de qui? Lumière. Le sel est mort, l'océan quitte les rives. Cheveux, je partirai en ville. Rien. D'où monte ce bruit? Remugle lentement. Un petit frisoli le long des coques. Rosé sur mes seins. Qui parle contre les tempes? Passe rien. Ouh! Ai-je laissé la savonnette? Le parfum est mort. Le parfum Non. Je vais descendre au jardin cueillir des pommes et je partirai vers la ville en les mangeant. Je traverse le jardin qui s'éveille. Tendre soleil, matin, lumière. Qui? Chemin de Mélier, corps sans raison. Musique, Charles Ravier. Récitante, Sylvie Hartel. Ensemble polyphonique de l'ORTF, direction Charles Ravier. Alberto Ponce, guitare. Orchestre de chambre de l'ORTF, direction André Girard. Extraordinaire, nous, c'est vrai qu'il y a quand même. Oui, c'est joli, Baudin, c'est très discret, mesuré, très doux, très tendre, comme ça. Ça, c'est le fameux bouquin sur la mort finie. L'état général rend public, quoi. C'est malheureux, c'est pas le fait du hasard. On descend la rue de Rennes, on en voit encore une ou deux. Quelle heure il est maintenant? On peut aller au Dragon, là, c'est tout près. On descend la rue de Rennes. On peut aller incognito comme ça repartir. On va chez, chez Yolas ou... Chemin de Mélier. Les galeries. À la roue, Hein, quoi? On va à la roue, par exemple. Oui. Je parle des peintures de mon ami peintre Pierre Souchot, là. Allons chez Claude Bernard. C'est très difficile de parler de dessin. Hein. Moi j'aime beaucoup Balthus, oui, ça vraiment ça. Bonjour. Bonjour, bien. Ça va? Tu aimes ces dessins, toi? C'est toujours le même thème, enfin, les nymphettes. Il doit travailler très lentement, non? Non, il fait un tableau tous les 4 ou 5 ans. Alors, il peint quelque chose qui n'est jamais peint, et c'est l'adolescence. C'est les petites filles, là, bon, c'est très spécialisé, évidemment. On peut peindre également les garçons, mais enfin, ça revient au même, bon, peu importe. Lui, il choisit les nymphettes, enfin, c'est la découverte de la vie, du sexe, de l'amour, de tout. C'est ça, quoi, c'est le trouble de l'adolescence, mais vu d'une façon très pure. Et puis, au niveau du trait aussi, enfin, parce que... On peut peindre ça de 300 façons, hein. Ça pourrait être très expressionniste, alors que là, c'est très très simple comme trait. Il y a juste la forme, quoi. Mais la disposition des jambes ou des cuisses exprime le reste, quoi. Puis les yeux sont fermés, enfin. Donc ce sont des enfants en train de rêver, enfin. Rêver et éveiller. Puis le corps qui s'ouvre un peu comme une fleur, non? Oui. Comme si quelque chose allait se passer, ah, tout oui, à fait. C'est très pur. Puis alors, c'est très moderne, parce que c'est comme des gros plans de cinéma, par exemple. Ouais. Les scènes d'amour au cinéma, quand c'est réussi, ce qui est rare. C'est très reposé. Tout ça à l'époque de l'op art, du pop art, de l'art conceptuel, du minimal art, et toutes ces choses qui ne sont pas la chose. C'est vraiment intemporel. Ça baigne dans la blancheur. Oui. On a besoin de ça maintenant, vraiment. On a besoin de cette absence, mais pas une absence qui nous mette en face d'un vide, mais au contraire d'une plénitude. Quoi. Oui. Oui. On a besoin de choses comme ça, cette douceur par rapport à la vie. C'est la vie qui s'est perdue de vue depuis une génération, ou une dégénération. Les arbres aussi, je trouve que les arbres sont très très beaux. Ils sont tous presque aussi intemporels et étranges que les dessins d'adolescentes. Ce sont peut-être des arbres adolescents. Mais... Ça, c'est quand il avait une petite japonaise là, comme modèle. Oui, la courbe du ventre, c'est merveilleux. Ouais. Non, ça nage dans le blanc, là, non, regarde. Il y a du blanc à l'intérieur du corps, il y en a autour, après le cadre, ensuite le mur. Tout est blanc, quoi. Et puis là, ce sont des traits, c'est très léger, quoi, c'est pas appuyé. Là, le visage paraît plus tourmenté que dans les autres. Elle a fait le saut. La scène à dessin, il a mis à peu près, un mois et demi à peu près. Ouais. Ouais. Il a passé son été justement sur les deux grands dessins du fond. Ouais. Mais est-ce qu'il travaille parfois sans le modèle, quoi, c'est-à-dire... Il n'aime pas travailler sur le modèle, ah, non. Non, alors ça devient beaucoup plus clair quand on sait. La fille du jardinier, je crois, qui est son modèle à la villa, et il a passé l'été, enfin, au fond, à terminer ses dessins. Mmh. Allez, à la galerie du dragon. Je sens un peu qu'on se rend On se voit un jour. Voilà pour le petit Ricard, le petit Martini, des bretzels salés. En voilà 8, tenez-la, mesdames, pour mettre dans le cartable de l'écolier. Pour son petit 4 heures, des petits beurres, s'il vous plaît. Voilà, pour son petit 10 heures, voilà ici, 2 paquets de petits beurres. En voilà 8 et un 9, tenez ça. Alors ça, c'est très très bon. Hein. J'allais chercher parce que c'est vraiment... C'est délicieux, c'est une spécialité. Thank you. de personnage a autant de bagou dans un lit que dans la rue. Quoi donc ? Ce genre de personnage a autant de bagou dans un lit que dans la rue. Ah ouais ? On se demande, c'est pas si long. Portugais et il vit en Colombie. Une espèce d'enchaînement aussi de rythme dans. Oui, c'est de la musique aussi. Oui, oui, oui, c'est un langage. Avec des signes comme ça. Avec des ouais. Signes. On y revient. On n'en sort pas. Mais ce qui est passionnant, c'est un langage où il y a seulement le corps justement. Ça met par terre. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que ça met par terre toutes les théories échafaudées. Ouais. Depuis une génération où on pensait qu'on pourrait faire une écriture en dehors du corps, comme ça, des choses abstraites. Évidemment, il fait des combinaisons très spéciales parce qu'il est rare qu'on puisse voir des doigts sortir d'une bouche ou bien voir un sexe qui pend à la place d'une oreille. Ça, c'est assez peu courant quoi, dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai, nous, même chez les Parisiens, on n'observe pas des phénomènes comme ça. Évidemment, ça doit faire le bonheur des psychanalystes, tout ça. Les doigts qui sortent des yeux, des lèvres cousues. Est-ce qu'il donne des titres, au fait ? Non, pas du tout. Mais il est comment ? C'est quelqu'un de très calme, sinon. Oui, très serein et avec beaucoup d'humour. Et oui, c'est ça. Jean de Mellier said that your drawings were perhaps a vision of the future civilization. Une sorte de variété de monstres parce que Darwin's process of evolution. That'd be rather terrifying. Imagine seeing my feet walking around the streets. I don't know whether I'd like that. Perhaps I'm not ready to see it physically. I don't know how other people would feel about that. Some people find it quite disturbing. Ce sont des lettres d'amour de quel sexe ? Que voulez-vous dire ? The love letters, I haven't written a text because I think they're their own text. Yes. Yeah. Il écrit, non ? Pas du tout. Il dessine, uniquement ses dessins. Ouais. Et avant, il dessinait ça, non ? Vous avez vu les dessins qu'il a fait avant ? Les dessins qu'il a fait avant étaient peut-être plus anecdotiques. Ça, ce sont les premières lettres d'amour. Oui, c'est ça. Oui. J'aime beaucoup cette série de lettres. Oui, c'est ça très beau. Oui, au revoir, Marie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Précisément, on en parlait. Rossovski. Galerie du Dragon. Paris 6e, Rossovski. Ce sont des pastels et des dessins. Alors, c'est tout ce qu'il y a de plus expressionniste, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus anti-français, parce que les Français, pour des raisons ignorées et incompréhensibles, n'aiment pas l'expressionnisme. T'as remarqué hein. Alors là, il y a vraiment tout. C'est débridé, c'est très violent, ça explose dans tous les sens. Qui bouge partout, des maisons qui s'envolent. Et cet homme avec des oiseaux sur les bras. Des oiseaux et des avions qui grimpent sur les bras. Et c'est un cul de jatte sur une table. Une table qui tourne. Oui. Il y a un autre plein de mouvements. Tu vois deux cul de jatte, il y a un petit pot à tabac. Alors. Un pot à tabac cul de jatte. Ouais. Là-bas, il y a un homme et une femme dans une cage. suçant à deux un gros œuf, tu vois, à droite, et puis alors ils ont des oiseaux qui leur courent dans le dos. Des pélicans de grande taille. Il est à Chicago, cet homme. Ossofsky. Il conviendrait que nous précisions que nous sommes dehors. Oui, la galerie est fermée. Mais oui, mais à travers, en transparente, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, enfin ce qui se passe, du moins les dessins et les pastels. Là-bas, on discerne une grosse poupée. Une poupée qui serait, mettons, haute comme la tour Eiffel, et il y a des pantins qui seraient humains et qui l'adorent, c'est au fond ça. Ouais, alors il y a des thèmes d'avions, d'oiseaux. Ce qui t'avait frappé dans l'exposition quand tu l'as vu, c'est quoi l'abondance de ces thèmes étranges de... Oui, tous les couleurs, ce sont des pastels, hein, tu sais, il n'y a presque pas de gens qui travaillent avec des pastels en ce moment. Oui, ça se perd beaucoup, le pastel. Oui. Pourtant, c'est très joli, hein, quand c'est bien traité, comme c'est le cas. Ou alors, ce sont des paysages fantastiques. Toujours avec des corps, parce qu'il n'y a que ça. C'est curieux que le toucher devienne de plus en plus important. Hein. Mais oui, c'est normal, parce que tu vois, tous les sens ont été plus ou moins épuisés, sauf le toucher et l'olfact. Oui. Alors, on essaie de les utiliser maintenant. Il y a même des types qui ont fait des expositions avec des choses qu'il fallait toucher, comme ça. Alors, tu passais de chaud à froid, de dur à mou, de rugueux à lisse, etc. Comme ça. Puis on doit ressentir des choses. De l'art tactile, oui. Ça existe. Mais là, il y a une multiplication des objets toujours, hein, chez lui, oui. Chez Rossofsky, j'ai l'impression. Les choses se multiplient, c'est ça qui crée l'onirisme, enfin l'espèce de... Les oiseaux, les pianos, les personnages, souvent. Les objets réels, en tout cas, qui se mettent à danser, à voler. Ah oui. Oui, oui, oui. Ça donne envie d'aller à Chicago, quoi. Chemin de Mélier. Écho. Ariane Borg. Alain Cuny. Réalisation Jean-Pierre Collin. Ça me brûle. Où ? Partout. Ici. À vif. Calme-toi, mon chéri. Ça passera. Ça finira. Il y aura beaucoup de blancheur. Que disais-tu ? Ce sera demain. Après-demain, peut-être. Ou un autre jour encore, ou jamais. Ou après jamais encore. Toujours un autre jour. À tourner, à rêver, à recommencer la même chose. Quand de Passy jusqu'à Asnières, toutes les femmes de Paris montre leur derrière. Que disais-tu ? Il y aura beaucoup de blancheur. Dis, aide-moi à souffrir un peu moins. Je suis là. Où ? Partout. À vivre. Il y aura beaucoup de lumière, encore plus d'étoiles que de ciel dans le ciel. Soleil. Où? Soleil. Mouette. L'effluve venu du fleuve, dégorgeant vers la mer. Le chant des marins. Il y aura le chant des marins. Le chant des marins ramant sur l'onde verte, le passage d'un enfant nu sur le pont désert, la chaleur, les vagues retenues, leur crinière d'écume, ses poumons bleus partout, ce balancement intérieur. Le rythme même. La transparence profonde. On voit tout. Partout. La vie. Onde blonde. Mmh. Où se laisser aller rêver. Le rêve est liquide. Glisser sur la fraîcheur. Ça va mieux, comme ça va mieux. Comme ça va mieux, mon petit. On voit. Cette petite évidence qui se recourbe en boule et vous serre à la gorge. Tu as moins mal. Je vais moins mal. Il fait plus doux. Ça tournera fixe. Je lui dirai, est-il permis d'entrer, de regarder et de s'asseoir? Comme il est bon, il sourira. Et peut-être même... partira-t-il d'un grand éclat de rire chaleureux? Cette chaleur éternelle qui vous transfigure. Leurs yeux de sang à vous faire éclater la cervelle. Je m'installerai devant lui. Il est de haute taille. Il m'offrira... Que m'offrira-t-il? Il sourira. Et peut-être même partira-t-il d'un grand éclat de rire. Cette chaleur éternelle. Tu te coucheras sur la galaxie. Tu te coucheras sur la planète. Cette terre. Cette terre. Je la ferai jouir jusqu'au sang, ma galaxie. Je nagerai dans le sperme des étoiles. La sale pourriture, la merveilleuse fraîcheur fugitive. Jusqu'au sang, ma galaxie. Tout ça n'a pas changé depuis des millénaires et ne changera point. Il n'y a que l'éphémère qui soit éternel. Mon ulcère. Ça me brûle. On ne voit que l'écorce. Je te rêve. Espace. Clarté. Glisser. Regardez. Silencieusement. Calmement. Bleu. Blanc. Je me trouvais donc hier soir. C'est toujours hier. C'est toujours le soir. le soir ouvrit la bouche. C'est toujours la bouche qui est en cause. C'est la bouche. C'est toujours le soir, la bouche, dans la vallée des larmes, avec des statues de sel, des cendres sur mon front, et une Bible. Où ? Sur les reins. Non, sur la bouche. C'est toujours la bouche qui est en cause. Sur mes larmes, pour essuyer la sueur, le sang, la salive, les larmes. Que tu es beau, mon chéri, que tu es gentil. Nous sommes étendus dans la verdure. Comme un lys dans les épines, ainsi ma chérie parmi les femmes. Rien. Mon amour. À son ombre délicieuse, je me suis assise et j'ai goûté son fruit si doux. Il m'a conduit dans ses palais, à l'enseigne de l'amour. Glisser sur la fraîcheur, cette charogne à vif. On me nourrira de friandises, de parfums, car je serai folle d'amour. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite, m'étreint. Ne troublez point les amours humaines. Ne détruisez point ce qui reste. Il reste si peu de choses. Il reste toujours le meilleur possible. Oh, ma colombe, nichée au creux de l'horreur quotidienne, à l'échancrure des ordures imaginaires, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ton visage charmant. Il reste si peu de choses. Je vous en conjure, homme forcené, marionnette cancéreuse, n'interrompez ni ne troublez notre amour jusqu'à ce que c'en soit fini. Glisser sur la fraîcheur. Que veux-tu que je te raconte, mon ami? Ma pauvre âme. De quoi veux-tu que je te parle? Quelles histoires? À quoi servent les histoires? Où est le vrai feu d'où montent les mots vrais? Les mots purs. Je t'aime bien. Mais je n'ai rien à te dire. Il... Ni... Y'a... Rien... À... Dire... Cela a déjà été dit. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous sommes maudits jusqu'à la fin. Ah, mon chéri, peut-être que tout irait mieux si on était complètement malade. Si on était parfaitement fou. Ne nous plaignons pas. C'est tout ce qu'on peut dire. Je partirai sur un chemin blanc, pas un souffle dans l'air, à gauche, à droite, devant et derrière, une plaine blanche, grise au fond, dans la distance, rien qui rompe l'harmonie, un soleil gris, un ciel gris. Moi, je partirai sur le chemin. Je n'entendrai même pas le bruit de mes pas. Mon ombre à peine effleurera la terre. Je serai vêtue de blanc, ma poitrine déchiquetée. Ma poitrine sera déchiquetée. Et mon cœur battra rouge et vivant contre le silence et la blancheur. Marcher lentement dans le silence, toujours marcher, à peine effleurer la terre. Cette attitude noble, l'ultime noblesse de... La créature torturée. Silence. Noblesse. Noblesse. Silence. La folie. La dernière issue. De plein pied. La conquête à même. Parfois, il ne reste plus à l'homme. Pour vaincre l'ennui qui lui égorge l'âme. Que la maladie, la souffrance organisée, la folie ou la mort. Le rire. Pas. Vite. L'ennui demeure. L'heure vous saisit soudain, vous harponne le cœur. Vous regardez le monde. C'est le désert. Vous cassez les miroirs. Vous essayez de tuer votre reflet dans l'eau de la flaque, du lac, de l'océan. Du caniveau. Vous cherchez à écraser votre ombre sous vos pieds. Impossible. Vous déchirez vos vêtements. Vous vous élancez dans l'eau. Impossible de se quitter. Impossible de se fuir. Bloqué. On s'arrête. On soupire. Rien à faire. Ça devient pire. De quel côté se diriger? Je me dirigerai du côté du soleil. Ce n'est pas moi qui le verrai. Ce sera mon cœur. Le regard. Du cœur. Plein de petites ailes dans ce cœur, rythmant seul, et sans qu'on explique pourquoi ce vague assemblage de vie. Dressé sur ses pieds, tiraillé entre la boue et les étoiles. Nous nous sommes bien aimés, quand même, au milieu de cette mélasse hideuse. Nos regards, pleins de désirs mous, se rencontraient, se guettaient. Mais pourquoi était-ce à la dérobée, craintivement, furtivement? Parce que nous étions des traîtres, ma chérie, qui cherchions en secret à perpétuer toute la misère humaine. Toute l'horreur humaine, toute la saloperie cosmique, vouée sans nous à une fin prochaine, nous voulions empêcher que tout cela cesse, comme nos misérables semblables l'ont fait avant nous. Les misérables... Que disais-tu? Soleil plein de petites ailes. Une espèce de silence, de qualité nouvelle, qui scandent les mouvements connus. Entre le tohu-bohu absurde et le vide transparent. Tout est enfin visible. L'âme entière regarde la giration inutile du monde. Plus haut. On ne sait où. Partout. Ici. Peut-être. Un dieu ivre s'avale et se vomit constamment. Sorte de rythme intérieur aux sources de la pièce. Avant le premier geste, le premier signe, tout est retenu. C'est l'approche. Des tensions neuves engendrent des êtres neufs. Comme il est bon, comme il sourit. Leurs yeux de sang vous faire engloutir toute votre cervelle. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mon chéri, mon pauvre cœur. Aide-moi un peu. Ah, quelle belle nuit. Quel beau pays. Il n'y a plus d'air. Il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de pays. Les horloges courent. Pas d'espoir, tu ne guériras pas. Le cancer est dans tes profondeurs. Une âme cancéreuse préside au moindre de tes actes. Tu portes en toi ta tête de mort. Tu ne tueras pas les ulcères du rêve. Au fond du puits d'or, peut-être encore un peu de clarté. Je suis un pur abcès. Celui qui est parfaitement malade et parfaitement heureux. La paix est derrière toute la douleur possible. Jusqu'où ira ainsi la souffrance? Le bonheur sera grand d'autant. Tu divagues. Tu es fou. C'est une justification. De toute manière. De toute façon. Cette grande marée apaisante, venant lécher notre douleur, la fraîcheur nouvelle, l'apaisement blanc. Extase. Extase. Extase. Extase. Aide-moi à moins souffrir. Je suis là. Un jour, je monterai, emporté par la gloire, vers la lumière. Air connu, air éternel, le manège inutile, le bonheur des régions extérieures. Ce cher petit retour au pays natal, où sommeille l'invisible, où souffle le vent de l'éternité, un pays infini, vaste comme un point. Profond comme l'absence. L'homme y passe en silence. Des chemins rayonnants. Les enfants s'y promènent. En rêvant. Et tout est blanc en ce pays magique. Harmonie immaculée. Éternité rêvée. Éternité vidée. Et les enfants s'y promènent en rêvant. Tout est blanc, ce pays. Magique. Oh, ma douleur. Calme-toi, ma chérie. Un jour, le crâne ne criera plus. Un jour, il n'y aura plus de cris prononcés, ou de cris cachés, ou de cris endormis sur la terre. Sorti nu du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Je ne sais qui a donné. Je ne sais qui reprendra. Béni soit le nom de cet inconnu. Un jour peut-être, ils lèveront tous ensemble leurs yeux dans une direction insoupçonnée et, défiant toute raison possible et niant tout principe établi, une sorte de présence avant l'âme. Mais dans l'âme, un peu, au plus simple de l'âme. Au cœur de l'âme. Les uns monteront. Les autres descendront. Peu importe. Tout dépend de la figure de l'impossible choisie. Ma chair est couverte de vermine et de croûte. Ma peau de crevasse. Ce que je possédais de meilleur en moi, suppure au soleil. Qu'est-ce qui monte de la galaxie comme un nuage de fumée? Parfum nouveau, folie nouvelle, et tous les arômes exotiques, le nouvel exode, les planètes vierges. Bah, ce sont les promesses permises. Aux yeux de l'avenir, comme le monde est petit. Je passe. Je n'ai vu qu'un monde paralysé par lui-même, enclos en ses volontés, limité à ses actes. Prie. Les cancers en prière montent vers les dieux. On guérira les cancers du corps. On ne guérira pas les cancers de l'esprit. Qui pourrait retenir mes propos? Appelle donc. Peut-être te répondra-t-on. L'impossible est toujours et de plus en plus impossible, souviens-t-on. Auquel dessein t'adresseras-tu? Le dépit fait crever le fou, et la colère fait mourir l'imbécile. Les pieds sont différents, les têtes sont les mêmes. À quand le jour pour me lever? Et je divague du matin jusqu'au crépuscule. La nuit, on me terrifie par des cauchemars, on m'épouvante par des hallucinations. On n'achète point le bonheur en réclame. On ne vend point la paix à crédit. Ce sont des bribes. S'agit-il d'être fort? S'agit-il de faiblesse? S'agit-il de jugement? Je suis innocent. Qu'on me laisse tranquille. À force de me plaindre, j'oublierai ma plainte. J'oublierai ma douleur, j'oublierai tout. Sous le ciel déployé. Sur les hauteurs de la mer. Je me laverai, je nettoierai mon être. Je disparaîtrai dans la lumière. J'entrerai dans la lumière. Mon âme regardera en souriant ma charogne extérieure, couverte de verre, ces tribus d'asticots blancs, cette sale pourriture passagère. Sur mon lit, j'ai cherché celui que j'aime. Je l'ai cherché sans le trouver. Je vais me lever et parcourir la cité, ses rues, ses places noires, pour chercher celui que j'aime. Je l'ai cherché sans le rencontrer. Les gardes m'ont trouvé en ronde dans la cité. Avez-vous vu celui que j'aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que j'aime. Je l'ai pris et je ne le laisserai plus. Que tu es belle, ma chérie. Que tu es belle. Ce moment de répit. L'étalement apaisant. Plein. Banquet naturel. Jardin. Jardin. Folie. Folie. Folie. Mon chéri. Rien. Toi. Ailleurs. Folie. Ensemble. Oui. Chemin de Mélier. Écho. Ariane Borg. Alain Cuny. Réalisation Jean-Pierre Collin. Que deviendra celui-là qui inventera des sentiments nouveaux, des formes nouvelles, des couleurs inédites, des sons étrangers, une langue sans origine et sans but, un royaume sans loi compréhensible, sans besoin connu, sans manifestation sensible, sans mouvement perceptible. Lui, que deviendra-t-il? ORTF, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Chemin Jean de Mélier, par René Farabet, Jacqueline Arpet, Jean Paget. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Anne-Marie Liotti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Liliane Houzel. Avec Michel Bouquet, Jean-Claude Rondin. Citation, Giacomo Carissimi, Gustave Mahler. Jalon. Ici ou là. Paris 14e, La Chambre, aphorisme, musique, dessin, poème. Pulsion, de Jean de Mélier, avec Alain Cuny, Jean-Pierre Joris, improvisation Louis Amiel. Collaboration technique, Jean-Jus Forgue, Pierre Brault. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Là ou ailleurs. Le restaurant, peinture, nouvelles, rencontres, écriture. Corps sans raison, texte Jean de Mélier. Musique Charles Ravier. Pour récitante Sylvie Hartel. Voix Ensemble polyphonique de l'ORTF, direction Charles Ravier. Cordes Alberto Ponce, guitare. Orchestre de chambre de l'ORTF, direction André Girard. Mise en onde musicale Evelyne Accard. Collaboration technique Michel Lepage, Claude Sansonas. Ailleurs ou nulle part. Les galeries de tableaux, Balthus, Amaral, Rossovski, Dans la rue, Aphorisme. Écho de Jean de Mélier, avec Ariane Borg, Alain Cuny. Collaboration technique, Francis Granal, Bernard Denonin. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Chemin Jean de Mélier. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 décembre 1971. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Skies turn blank as night. Oh, it rained 5 days. And the skies turn blank as night. And if trouble taking place way down in the lowlands tonight. I woke up this morning and I couldn't get out of my front door. I woke up this morning and I couldn't get out of my front door. It was so much trouble make a poor man wonder where he wanna go. They rode little boats about 5 miles across the pond. They rode the little boats about 5 miles. I packed up all of my things and threw them in. Boys and the boats rolled on along. I climbed up on the high old lonely hill. caused me to pack my things and go. Cause my house fell down and I can't live there no more.